Anatole, empereur des ténèbres, que ton courroux hostile fasse que ton feu destructeur annule tes prières, que ton glaive de vengeur fasse couler sang du sol. Cause one day the squad will go. Look at you in the veranda, look out the sky. All I know is there. Fasse couler sang et sève. Ô Squamat, fashion originelle, tu es le mal qui souhaite prendre une branche parfaite. Je te glisse dans les bras, c'est ma nouvelle officielle. Tu me tiens dans le bras, tu me permets de s'éteindre. Tu me laisses sur le pied, tu te permets de me permettre. Tu es dans la vie, tu es dans la vie. And one day, the squad will go. One day, in the barrel day, the squad will go. And one day, the squad will go. Sans réfinement, non.